e non nella lingua italiana, perché la mia conoscenza della loro lingua è troppo mala, e credo che sarà una cattiva esperienza per tutti. Allora farò il mio intervento in francese. Si quelqu'un à Vienne, à la fin du XVIIe siècle, était convaincu de la nécessité des réformes, c'était l'empereur Léopold lui-même. Il savait qu'il serait bon de faire des réformes dans l'ordre économique. Et nous avons vu tout à l'heure, avec la communication de ma collègue Gherardi, que ces réformes étaient plutôt des châteaux en Espagne, comme nous disons, que des réalisations. Dans ce domaine, d'ailleurs, je crois que la période 1700-1720 a apporté des réalisations pratiques, mais il nous manque ici la présence d'un collègue américain, Hermann Freudenberger, qui a beaucoup travaillé dans les archives des châteaux de Bohême et qui a pu constater les progrès des grands seigneurs bohèmes comme industriels. Mais ceci est une autre question et n'a rien à voir finalement avec les belles constructions intellectuelles qui s'élaboraient à Vienne dans ce Brand Trust autour de l'empereur. Et si vous permettez, j'insisterai moi sur quelque chose que je connais un peu moins mal, c'est-à-dire les questions fiscales et financières. Et dans ce domaine, l'empereur Léopold avait aussi besoin d'opérer des réformes profondes, en liaison d'ailleurs avec la pensée mercantiliste de Becher, Hörnig, Rojas y Spinola, etc. Seulement, il s'est heurté à une double opposition. À l'intérieur de son gouvernement, ce que j'ai appelé les représentants du parti conservateur, dont les représentants les plus caractéristiques étaient le président de la Hofkammer à Belley, les conseillers Zelb et Jörger. Et à l'extérieur, dans les pays, dans les Länder, terme province ne convient pas, dans les Länder, l'opposition des ordres et l'opposition des diètes. Et si vous voulez, nous prendrons deux exemples, pour ne pas rester trop dans la théorie, deux exemples de tentatives manquées de réformes fiscales, une dans les pays héréditaires, l'autre en Hongrie, et ensuite nous essaierons de voir pourquoi l'empereur, qui avait de bonnes idées et qui était certainement un personnage 100 fois plus intelligent et 100 fois plus moderne que ne le décrit l'historiographie classique. Un seul l'a compris. Chez nous, c'est le duc de Saint-Simon. Dans ses mémoires, il y a deux pages extraordinaires sur l'empereur Léopold. Mais en général, on l'a décrit comme un personnage parfaitement inefficace, baroque, bigot, stupide, sans volonté, etc. Les caricatures de Léopold ne manquent pas. C'est un autre thème. En réalité, je crois que c'est un homme qui avait compris beaucoup de choses. Mais si vous voulez, le thème de mon propos, c'est de montrer comment un homme intelligent qui souhaite des réformes les essaye, les manque et ne va pas plus loin. Et ça, je crois, et ça je vous livre tout de suite si vous voulez ma pensée, hein, je crois que c'est ce qu'on peut appeler la grande tradition Habsbourg, Fortwurstel, hein, laissez faire. Et cette grande tradition, elle se maintient jusque et y compris à Marie-Thérèse, qui est la digne petite fille de l'empereur Léopold. Et puis après, il y a eu des gens comme Joseph II qui n'ont rien compris au problème véritable de la monarchie, qui était tout autre chose qu'un ensemble de provinces, mais qui était une confédération de pays, et qui ont essayé d'imposer des réformes. Et ça, c'est une autre question. Mais je crois que, si vous voulez, nous avons aujourd'hui le volet, le modèle avec le grand-père Léopold, qui a plutôt renoncé aux réformes que de casser véritablement la monarchie des Habsbourg. Et puis nous avons plus tard, mais c'est le propos de ma collègue Klingenstein, nous avons les réformes de Marie-Thérèse qui sont encore très mesurées, très modérées. Alors, voyons donc ces deux réformes fiscales qui me paraissent caractéristiques. Une, l'introduction de l'accise générale en Silésie, auf Deutsch, das heißt Aufschlag. L'accise générale en Silésie et après nous verrons la réforme fiscale en Hongrie. Alors, le problème de l'accise. D'abord, l'idée de mettre un impôt de consommation important venait des Hollandais. Ça réussissait très bien dans les Provinces-Unies et ce modèle hollandais est passé dans le monde germanique au cours du XVIIe siècle. Nous n'avons pas le temps d'étudier dans le détail cette démarche théorique. Mais je crois qu'il faut quand même en indiquer quelques états. Le Suave Christophe Bezold, juriste, économiste, qui a enseigné à Tübingen, a publié un traité De Aerario Publico Discursus à Tübingen, en 1619. Et déjà, il vante le mérite de l'accise. Bon, d'autres théoriciens ont continué à vanter ce mérite, en particulier Gaspard Klock, qui est un Saxon, et qui est également au service de la maison d'Autriche. Quels étaient leurs arguments en faveur de l'accise? Eh bien, dans une économie de marché, celui qui consomme, celui qui est riche, paye l'impôt. En revanche, le paysan, qui n'achète pas beaucoup, qui est en dehors de l'économie de marché, est épargné par l'accise. C'est donc un impôt juste, en réalité, qui frappe le bourgeois, qui frappe le noble, qui frappe le riche, qui achète et qui dépense beaucoup. Vous voyez tout de suite qu'un tel impôt ne pouvait pas convenir précisément aux ordres, aux aristocrates qui dominent les assemblées d'État, qui dominent les diètes et qui ne veulent pas payer l'impôt. Nous avons le même phénomène dans la monarchie autrichienne du XVIIe siècle que dans tous les autres pays d'Europe qui ne veulent pas payer l'impôt et en tout cas une toute petite part et que le paysan en paye 80-90%. De sorte que dans un système où le souverain n'a pas le pouvoir de décision, cette réforme va, disons-le tout de suite, échouer. Premier essai en Basse-Autriche, Niederösterreich, chez les fidèles, chez les gens qui sont vraiment dévoués à la cause des Habsbourg. En 1661, dans le contexte de la première guerre turque de Léopold, la Chambre des comptes, Hofkammer, propose de lever une accise sur la farine, conformément aux vœux exprimés par les villes, le quatrième ordre, dans sa déclaration du 10 janvier 1661. Le clergé, le Prélatenstand, s'était rallié à la suggestion, et le Ritterstand, les gentilshommes, le 14. Seuls les seigneurs, le Herrenstand, se montrent réticents. Et le projet a été néanmoins étudié et abouti à un impôt de 10% sur la farine, d'ici Kreutzer par florin, et un impôt sur toutes les transactions de 6%, sur enfin une taxe sur la viande, sur le bœuf, d'un pfennig par livre, soit environ 8%. Cette accise a été acceptée parce qu'il s'agissait d'un impôt extraordinaire en cas de guerre, que les Turcs étaient à Neuhäusel, aujourd'hui Nové Zámky en Slovaquie, qu'on pensait qu'ils pouvaient peut-être bien prendre Presbourg, qu'ils arriveraient peut-être devant Vienne, et comme Porsena est à nos portes, n'est-ce pas, l'ennemi héréditaire était aux portes du pays, il fallait faire un effort, on l'a accepté, on a payé. Mais les ordres ont obtenu que cette taxe fut rapportée à la fin de la guerre et il n'en a plus été question. Je vous ferai grâce de toutes les tentatives qui ont eu lieu de la part de la Hofkammer, en particulier pendant toute la direction du président Zinzendorf. Je crois que Zinzendorf, je me permets de dire devant les collègues autrichiens, est non pas un génie méconnu, mais a été très mal jugé. En réalité, le parti conservateur, qui le détestait, a réussi à prouver, ce qui n'était pas difficile dans le contexte des finances d'Ancien Régime, qu'il était un peu malhonnête. C'est vrai. Oh, il a détourné. Qu'est-ce qu'on lui a reproché? Ce qui est l'équivalent de nos chambres de justice, car vous savez, nous dans la France d'Ancien Régime, on avait ce phénomène permanent. De temps en temps, il y a des grosses têtes qui sont tombées, comme Fouquet, n'est-ce pas? Mais il était difficile de... Quand on prenait un homme très riche pour être ministre des Finances, pour justement fournir les sommes nécessaires parce qu'on n'avait pas de banque d'État, et il mélangeait ses comptes avec ceux de l'État... Et il y avait évidemment des malversations, mais n'était-ce pas la faute du prince et la faute du système? Zinzendorf, bon, n'était pas blanc, a été accusé, est tombé, mais c'était un homme qui avait le sens des réformes financières. Après son départ, tout est redevenu comme avant, c'est le triomphe dans les années 1680-1690 du Parti conservateur. Alors, tout de même, après 1690, apparaissent de nouvelles réformes avec ce personnage extraordinaire qu'est le cardinal Kolonitsch. Kolonitsch, en effet, a voulu, quoique il fut aristocrate, a voulu absolument imposer des réformes en Hongrie, nous allons le voir, mais aussi l'accise générale en Silésie. En 1696, en 1695, la Chambre des comptes, la Hofkammer, décide d'imposer l'accise générale en Silésie. Celle-ci remplacerait les contributions payées sur les propriétés foncières par les paysans. Et Léopold a convoqué la conférence, c'est-à-dire le conseil restreint, en avril 1695 pour étudier l'introduction de cette réforme. Et c'est une séance tout à fait normale de la conférence. Il y a le chef du conseil, le prince Dietrich Stein, le cardinal Kolonitsch, un certain nombre de conseillers d'État et les chanceliers d'Autriche, Guccellini, et le comte Kinsky, le chancelier de Bohême, ainsi que le nouveau président de la Chambre des comptes, le comte Breuner. Indiscutablement, le modèle proposé est fourni par les princes d'Empire qui ont déjà établi l'accise générale à l'imitation de la Hollande. L'empereur veut soulager les populations de Silésie, supprimer les contributions et ordonne à cette commission d'étudier les modalités d'application de l'accise générale. Nous avons le texte d'ailleurs, le texte de la convocation qui est rédigé, enfin qui est l'émanation de la pensée de l'empereur, qui est assez intéressant, n'est-ce pas, où il développe ses idées et il veut promouvoir, n'est-ce pas, dans le malheur général, facilité, meinen Dienst, und das gemeine Wesen, des gemeinen Wesens nutzen, so eines jeden privaten Wohlfahrt. Vous voyez, des mots qui finalement sont très modernes, n'est-ce pas? Wohlfahrt, le bien commun, pour tout cela, pour toutes ces motivations, il veut introduire l'accise générale. La commission a discuté jusqu'à fin 1696, les difficultés techniques étaient considérables car on manquait de matériel statistique. Il aurait fallu procéder à un recensement de la population et puis évaluer le volume de la consommation. Finalement, après bien des discussions, on est arrivé en 1706, à l'introduction, vous voyez, 10 ans de discussion pour arriver après la mort de Léopold à une patente impériale qui introduisait l'accise générale en Silésie. C'était certainement un des pays de la monarchie qui était le plus développé économiquement et le plus apte à supporter l'accise générale. D'autre part, du point de vue de la structure des ordres, vous savez qu'il y avait juste une réunion des princes et des représentants des princes, étant donné la structure très particulière du duché de Silésie. Il y avait donc peut-être une opposition moindre à vaincre. On pouvait essayer en tout cas de discuter avec les représentants des princes et l'expérience a été faite. Elle ne s'est pas poursuivie bien longtemps. Elle est abolie à la fin du règne de Joseph Ier. Vous voyez, une réforme progressiste qui a été abandonnée. Nous allons en voir une autre, peut-être encore plus caractéristique et encore plus navrante, même si elle est encore très mal vue aujourd'hui par l'historiographie hongroise. C'est la réforme fiscale en Hongrie dans les années 1690. La réforme fiscale en Hongrie, ça veut dire qu'on va faire payer enfin l'impôt aux Hongrois. Si vous rencontrez des historiens hongrois, ils vous sortiront les éternelles citations que la Hongrie a été pillée, pillée, mangée, et qu'on en a retiré le dernier rhum, le dernier bœuf, le dernier mouton, le dernier florin. Je ne nie pas qu'il y ait une certaine réalité derrière. C'est que il y avait des armées, il y avait les impériaux, et chacun sait que les impériaux en quartier épuisaient le pays. L'Italie du Nord en sait quelque chose, en particulier pendant la guerre de la succession d'Espagne. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que légalement, la Hongrie ne payait pas d'impôts. Il y avait un régime particulier, médiéval. Il fallait, en cas de nécessité, faire voter l'Assemblée nationale qui accordait une taxe symbolique par feu fiscal, la porta, qui dans les années 1660 coûtait plus cher à percevoir qu'elle ne rapportait à l'État, n'est-ce pas ? Le solde était presque négatif. Dans ces conditions, le cardinal Kolonitsch, qui est un personnage très mal vu des Hongrois, parce que c'est un Croate, établi en Basse-Autriche, enfin d'une famille croate établie en Basse-Autriche, qui ne réagit pas comme les Hongrois d'origine. Et Kolonitsch a pensé qu'il vaudrait mieux établir un impôt foncier modéré sur les Hongrois plutôt que de les laisser piller par l'armée. Il a développé cette idée dans l'Einrichtungswerk des Königreichs Ungarns, dont Madame Gherardi avait parlé aussi dans la partie de son discours qui n'est pas parvenue jusqu'à vous, et qui me paraît une œuvre fondamentale de science politique dans ces années-là et pour la monarchie autrichienne. Il a repris cette idée à partir de 1695, établir une contribution modérée sur l'ensemble de la Hongrie. Et c'est le processus d'établissement qui va nous retenir tout de suite. En 1680, Léopold et Kolonitsch convoquent une assemblée représentative de Hongrois pour faire voter cette contribution. Alors, là aussi, on voit un processus nouveau de la part de l'empereur. Au lieu de convoquer la diète de Hongrie, qui était une assemblée presque comparable au Parlement britannique, qui comportait deux chambres et une chambre basse avec des députés élus, des députés des comitats, c'est-à-dire des représentants de la petite et moyenne noblesse. Des gens qui avaient une expérience, une conscience politique très développée et qu'il était très difficile de manipuler. Alors, pour éviter cela, la dernière diète ayant été celle de 1687, et on avait pu, là, en mettant deux régiments autour de Presbourg, on avait pu un petit peu maîtriser cette diète, l'Assemblée n'est pas convoquée, ce qui est illégal aux yeux des Hongrois, et on arrive à une nouvelle formule très intéressante qui est, dans le latin de Hongrie, le concursus palatinalis, ce que je traduirais en français par une assemblée de notables. On invite une cinquantaine de magnats en espérant, comme on faisait d'ailleurs dans la France d'Ancien Régime, quand on convoquait des notables, qui seraient des gens bien disposés et qu'ils approuveraient. Eh bien, pas du tout. Ils n'ont pas approuvé. Et l'opposition était conduite par celui qui aurait dû, dans une optique, vous voyez, absolutiste et même simpliste pour nous, la personne qui aurait dû préparer ces notables à accepter, c'était le palatin Esterházy. Le palatin Paul Esterházy est aussi une drôle de figure. Il a bien sûr été un collaborateur des Habsbourg au début, mais à partir de ce moment-là, quand il a vu que les privilèges des ordres et les privilèges des magnats seraient menacés, et il a fait volte-face et il n'a pas été du tout un fidèle des Habsbourg, mais plutôt un fidèle de la nation hongroise, des privilèges nobiliaires, et il a contribué à faire échouer cette assemblée notable. La seconde assemblée, enfin une seconde fois, en 1698, Kolonitsch revient à la charge, réunit à nouveau une assemblée notable et demande 4 millions de florins, ce qui représente à ce moment-là encore une contribution modérée. Eh bien, ça a été également un échec. Et voyez-vous, je crois que cette expérience manquée est très grave, car j'ai eu l'occasion de le montrer dans le détail. Je suis convaincu, et les collègues hongrois ont daigné, enfin, approuver, que c'est une des causes majeures de la guerre d'indépendance de François II Rákóczi. En d'autres termes, en 1702, vous avez une révolte paysanne qui est appuyée par la noblesse, qui ne veut pas payer d'impôts parce que le concursus de 98 avait introduit une chose inouïe qui nous vaudra la révolution à nous en France, faire payer les nobles. Hein? Non seulement on voulait faire payer les paysans, ce que les nobles n'aimaient pas parce que on prenait de l'argent à ceux qui les entretenaient. Mais en plus, on voulait leur faire payer une partie, n'est-ce pas, c'était réparti par 16e, la noblesse devait payer 1 200 000 florins sur 4 millions, soit 5 16e, soit environ 30% de l'impôt. Et ça, c'était une innovation inouïe. Les nobles ont appuyé les paysans. Et voilà pourquoi l'insurrection de Berchényi, qui est venue de Pologne, a marché, qu'on a trouvé un chef prestigieux dans la personne du prince François de Rákóczi, qu'on a même eu l'appui de la France, et que pendant la guerre de la succession d'Espagne, l'empereur Léopold a eu la chance, une fois de plus, d'avoir un second front aux portes de Vienne, avec des cavaliers hongrois qui sont même une fois venus piller le Tiergarten, n'est-ce pas, ont tué ces tigres et se sont fait des tapis de sel avec les peaux des tigres, mais pendant bientôt 10 ans, la Hongrie est en état de rébellion. Et finalement, en ce qui nous concerne, le compromis, la paix de Szatmár, le compromis de 1711, qui est le premier compromis austro-hongrois, a accordé à la noblesse précisément l'immunité souverain et les ordres. Mais les ordres se ramènent pratiquement à la domination de l'aristocratie, très précisément en allemand, à la domination du Herrenstand, qui a réussi, et ça c'est un trait majeur de l'évolution du XVIIe siècle, qui a réussi à s'emparer du pouvoir politique, du pouvoir économique, de l'administration des provinces et des pays, et de l'administration centrale. De sorte que mon collègue Evans, dans un livre récent et particulièrement intéressant sur « The Making of the Habsburg Monarchy », parle d'une centaine de familles. L'enquête sociologique, à mon avis, reste à faire de voir exactement combien de familles aristocratiques ont participé au pouvoir central, au gouvernement de la, soit de la Bohème, soit de la Moravie, soit de la Hongrie, ont dominé la propriété foncière dans ces pays-là et ont réussi à consolider leur pouvoir par des intermariages. Mais je crois que la réalité là est beaucoup plus facile à cerner que dans d'autres pays. Dans un très récent ouvrage, et très brillant évidemment, Fernand Braudel a dit, est revenu sur l'idée bien française des 200 familles, et il est convaincu en tout cas que dans l'Europe moderne, c'est le sort de tous les pays, de tous les États, c'est que chaque grand État, chaque société est dominée par 100 à 200 familles. Pour la monarchie autrichienne, je ne sais pas, aujourd'hui encore, je ne peux pas vous dire s'il s'agit de 100 ou de 150 ou de 200 familles. Tout dépend où on met la barre. Il y a le cas des Hongrois qui sont tout à fait autonomes chez eux, mais qui, au niveau le plus élevé, au niveau de Vienne, ne représentent que 5 ou 6 familles associées au conseil de gouvernement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une oligarchie, selon le vieux terme français, une oligarchie qui partage le pouvoir avec les Habsbourg et qui peut-être même le lui dispute. Alors, voyons, pour les diètes, je crois que c'est simple et je suis à votre disposition dans la discussion pour essayer de vous répondre. Je crois que comme il y a 16 diètes différentes, il y a des cas d'espèces, on peut discuter, mais la tendance générale est là. J'avais pris l'exemple de la Bohème et de la Basse-Autriche, et vraiment l'aristocratie domine l'ordre des seigneurs. Par le biais des évêques, elle domine l'ordre des prélats, l'ordre du clergé, ce qui fait déjà 2 ordres. En Bohème, l'ordre des chevaliers, des gentilshommes, les rétors, est pratiquement disparu, et l'ordre des villes est très affaibli. De sorte que dans les débats, c'est toujours le Herrenstand qui a le dernier mot et qui domine ses assemblées. Mais cela, disons que c'est clair et c'est généralement admis. Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est la place de l'aristocratie dans le gouvernement de Vienne. D'abord, dans le Conseil d'État, dans le Geheimerat, eh bien, il est composé absolument toujours d'aristocrates, à la différence d'ailleurs des statuts qui lui avaient été donnés par Ferdinand Ier au début du XVIe siècle. Au XVIIe, c'est la revanche du grand seigneur sur le docteur en droit, sur l'expert, n'est-ce pas ? Ce sont des grands propriétaires fonciers. La situation est la même à la fin du règne de Léopold comme au commencement. Si l'on situe, n'est-ce pas, les gens, par exemple, en 1665, eh bien, on voit essentiellement des grands aristocrates, comme le prince Lobkowitz, qui possède en Bohème, seul, plus de 2000 unités fiscales, une soixantaine de villages, 2 ou 3 villes, qui est un homme immensément riche. D'ailleurs, il est tellement riche que il est même, lui, il est incorruptible. Il n'a pas besoin de toucher de l'argent des princes étrangers, il en a suffisamment. Vous avez des gens comme le comte Nostitz, qui est un petit peu moins riche, qui a environ 1500 unités fiscales en Bohême, mais ce sont des gens de famille ancienne, riches, et qui sont profondément enracinés dans un pays ou dans un autre. En 1705, la situation n'a pas beaucoup changé. Le chef du conseil est le prince Dietrichstein, qui possède peut-être la plus grosse fortune de Moravie, enfin quelque chose près, aussi importante que celle des Liechtenstein, qui est d'ailleurs subsidiairement fournisseur aux armées. Il a des industries sur cette terre de Moravie et il fournit des boulets, des grenades en verre, des tissus au gouvernement. Et par conséquent, la tête du est tenue par des aristocrates. Mais ce qui est encore plus caractéristique, c'est que les conseils techniques, les conseils de spécialistes comme la Chambre des comptes ou le Conseil de la guerre sont également tenus par des aristocrates qui se recrutent à peu près dans les mêmes familles que les membres du Conseil d'État. Alors, si vous voulez, on arrive à, je crois, à une explication de ce système des conseils, qui est évidemment très difficile pour les spécialistes de l'histoire des institutions et qui est particulièrement incompréhensible pour les Français. Mais je crois que c'est très simple, n'est-ce pas ? L'aristocratie tient au système des conseils parce que ça lui permet, de diriger les affaires dans leurs détails. Et toutes les fois que l'on fait une innovation, Madame Guérardi voulait évoquer certaines innovations comme la deputation in economicis, je crois qu'elle a fonctionné même avant qu'on ne la crée officiellement. Toutes les fois qu'on veut faire une innovation, on est obligé de réunir une commission émanant d'un conseil, et ce sont toujours les mêmes personnes qui discutent des mêmes problèmes et qui n'ont absolument pas envie de faire des réformes qui iront à l'encontre de leurs intérêts. Et ce système autrichien fonctionne finalement pas trop mal. L'Autriche est devenue une grande puissance, mais c'est très lent et surtout il y a une force de résistance qui empêche l'empereur d'imposer ses décisions, même s'il a des idées précises de réforme. Alors vous me direz, mais pourquoi Léopold n'a-t-il pas essayé de modifier cet état de choses ? Eh bien, je crois qu'il a essayé d'une manière empirique, et cela dans deux domaines. D'abord, dans un secteur qu'on n'étudie peut-être pas assez, mais qui échappe au système général, c'est l'armée. L'armée est le seul secteur dans la monarchie qui soit le fait de l'empereur. En français, nous disons, pour les soldats de l'empereur, les impériaux. Les régiments sont constitués sur une patente impériale qui a la possibilité, d'ailleurs, de les dissoudre, de les réformer. Il l'a fait tout le temps à la fin du XVIIe siècle. Il n'y a aucun problème. Il nomme les colonels, il délègue un pouvoir absolu aux colonels. Et vraiment, l'armée est le fait de l'empereur. Signe d'ailleurs que c'est vraiment que c'est sa chose, il y nomme beaucoup d'étrangers aux pays héréditaires. Les colonels sont souvent des Allemands du Reich, mais aussi, vous savez bien, très souvent des Italiens, des Lorrains, des Wallons, même des Français de France. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Parce que ces gens-là sont ces fidèles, de même qu'on prend des officiers, on prend des capitaines qui sont d'origine étrangère, ce sont les fidèles de l'empereur. Seulement là où le système ne fonctionne plus, c'est que lorsqu'ils ont vraiment réussi, on les récompense. Et au XVIIe siècle, par suite de bouleversements, on leur donne des terres, soit en Bohême, en Moravie, dans la première moitié du siècle, soit en Hongrie à la fin du siècle. Et à partir de ce moment-là, les dits officiers se comportent non plus comme féaux, comme hommes de l'empereur, mais simplement comme des magnats, hein, comme des seigneurs. Et c'est en fait l'explication de la Bohème, du drame de la Bohème, enfin pour l'empereur, fin XVIIe siècle, c'est que tous ces braves gens qui étaient venus, bon, les plus illustres pour vous, peut-être ce sont les Piccolomini, n'est-ce pas, les Bucois qui viennent d'Artois, n'est-ce pas, tous ces gens-là ont un comportement de grands seigneurs bohèmes et plus du tout de féaux de l'empereur. Ils refusent de payer trop d'impôts, ils discutent le pouvoir de l'empereur et par conséquent, le système n'est pas très bon. Il y a un autre système que l'empereur a aussi pratiqué, c'est de faire venir des juristes, des experts. Par exemple, le chancelier d'Autriche est très souvent un étranger, c'est-à-dire un Alsacien. Vous avez entre 1668 et 1682, vous avez le chancelier Aurore, qui est du Breisgau, mais qui est en réalité d'origine alsacienne, enfin des terres des Habsbourg. Vous avez un peu plus tard, vous avez le Stratmann, qui est aussi un homme nouveau qui vient du Reich. Vous avez au XVIIIe siècle Partenstein, qui est un Strasbourgeois, qui est d'abord allé à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, à l'abbaye. Il a proposé ses services au ministère des Affaires étrangères, on n'en a pas voulu. Il est repassé par Strasbourg avec une lettre de recommandation des bénédictins de Saint-Germain-des-Prés. Il est allé à Melk et de Melk, on l'a proposé à Charles VI. Il était luthérien, il s'est converti au catholicisme. Et voilà un Strasbourgeois qui a été le chancelier d'Autriche des dernières années de Charles VI et du début du règne de Marie-Thérèse. Alors, vous voyez, on recrute des hommes nouveaux, on les anoblit, tout cela pour essayer de lutter contre le système, mais je crois que ce système est très difficile à vaincre. Et si vous voulez, en conclusion, pour ne pas trop prolonger cette intervention, je crois, c'est ma petite idée personnelle, je crois que elle vaut ce qu'elle vaut, elle est discutable, mais nous sommes là pour en discuter. Je crois que tout cela, en réalité, est justifié parce que la monarchie autrichienne n'est pas un ensemble de provinces, mais une confédération de pays, et au risque de vous choquer, d'État-nation. Je crois profondément que dès le XVe siècle, la Bohème représente une nation et un État-nation, que la Hongrie représente une nation et un État-nation. Vous avez même la petite minorité croate qui représente un problème au XVe, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, et qu'on ne peut pas traiter comme ça en centralisant et en décrétant un jour langue administrative, c'est l'allemand, et maintenant c'est fini. Et même les gens des Erbländer, les très fidèles de Basse-Autriche, bon, représentent aussi des fidèles, mais ça fait aussi une autre nation dans cet ensemble. Et ni la Bohême ni la Hongrie n'ont jamais été des colonies ou ni des pays conquis par les Habsbourg. Les Habsbourg ont été librement et régulièrement élus souverains. Il y a des contrats entre les nations et la monarchie, et même si les aristocrates représentent assez mal les intérêts de ces nations-là, je crois tout de même qu'ils ont derrière eux tout un support dans ces pays-là qui fait que des réformes de centralisation et d'unification sont extrêmement difficiles. Et c'est l'intelligence politique des Habsbourg de l'avoir compris. Ferdinand Ier, au XVIe siècle, qui à mon avis est un des Habsbourg les plus remarquables qui ait jamais vécu, formé à la discipline humaniste, élève d'Erasme, formé aussi en Espagne par son grand-père Ferdinand d'Aragon, le modèle du Principe de Machiavel. Il est arrivé, bon, il a été un peu le parent pauvre, on lui a laissé l'Autriche, les Erbländer. Par concours de circonstances, il a fondé la monarchie autrichienne, Bohème-Hongrie. Il a essayé de l'organiser, de la centraliser, et il a fait marche arrière parce qu'il a compris qu'il n'en avait pas les moyens, d'unification, et que c'était un pays où il fallait précisément respecter les autonomies culturelles, les autonomies politiques, les privilèges des ordres, les assemblées d'État, qu'il fallait associer les aristocrates. Vous voyez l'ouvrage pionnier qui a plus d'un siècle, qui a été écrit à l'époque du compromis austro-hongrois de 1867, de Biedermann, Geschichte der österreichischen Gesamtstaatsidee. Il a bien montré ses tentatives d'unification dans les différents domaines, et la seule chose qui était possible, c'était de constituer une classe dirigeante d'aristocrates par intermariage qui serait peut-être fidèle à la dynastie. Et c'était tout. L'autre tentative, c'est celle du XVIIe siècle, c'est celle de l'unification par la religion catholique, idée à laquelle d'ailleurs Marie-Thérèse, je crois, a tenu jusqu'à ce que d'autres temps aient fait que ça n'était plus possible. Voilà, je crois... Marie-Thérèse, je crois, a tenu jusqu'à ce que d'autres temps aient fait que ça n'était plus possible. Voilà, je crois, vous voyez, je justifie mon pessimisme dans ce domaine des réformes. Les Habsbourg en avaient conscience, en avaient besoin, les ont essayés et la plupart du temps ne les ont pas adoptés, mais ont préféré un refus de leurs sujets plutôt que de les imposer par la force. Et je crois que c'était finalement leur grandeur et leur force véritable qui faisait que cette construction qui apparaît absurde aux Français, et encore aux Français d'aujourd'hui, a fait que cette construction marchait assez bien dans le système vieux Habsbourg, n'est-ce pas, jusqu'à Marie-Thérèse y compris. Je vous remercie de votre attention.